Bonsoir, ce soir on est le 18 mars 2014 et on est le 17 Adar Bet 5714 et on est en direct de Montréal MTC avec le Rav Maimon Pinto qui va nous entretenir ce soir sur les Pessahs. Et Bezat Hashem, ce cours est donné tous les mardis soirs à 20h au MTC Montréal, Montréal Torah Center, et vous êtes, tout le monde est le bienvenu. C'est au cours en français au deuxième étage. Donc c'est pour l'Einu Nishma de Rosalie Batourida et de la Refoua Shenema de Nissim Ben Aviva et de Yael Bat Rosalie. Bezat Hashem, bonne soirée. Excusez-moi, j'ai les trois très grands. Bonjour, c'est lui qui va devant ça. Lui, il veut deux. Bon, on va lui donner trois. Hein ? Tu vois, on sont très généreux. Alors, on va commencer un petit peu avec la paracha. Est-ce que vous avez entendu... Excusez-moi. Oui. J'ai reçu un mail aujourd'hui d'un ami. Est-ce que vous avez entendu parler d'un certain monsieur, un séparat de Casablanca, qui est milliardaire? Incroyable. J'ai lu son article. Le même. Patrick Drahi. Oui. C'est une réussite colossale. Patrick Drahi. C'est quoi Drahi? Il n'y a pas Drahi au Maroc. Ouais, ouais. Mais Casablanca, il est du Noir. Il a 50 ans. Exact. Une réussite, mais alors une réussite hors norme. Quoi? Exemplaire. Au Maroc? Non, il a quitté le Maroc quand il est. Il a quitté le Maroc avec ses parents quand il avait 15 ans. Mais il a acheté des sociétés en France, en Portugal, en Espagne, en Israël, et le HOT, la télévision. HOT, c'est grâce à lui. T'as vu? C'est lui, le patron. Attention, vous êtes en direct, hein. Il va vous envoyer. Il va lui envoyer une réussite, vraiment. Formidable, hein. Il faut lui parler de la commune de Sepharad ici à Montréal. Non, quand je dis ça, mais au moins on peut comparer finalement un Sepharad par rapport à un Ashkenaz qui a réussi. On peut le mettre là-dedans, hein. C'est garanti, hein. Hashem. Ken Yirvou b'Israël. Amen. Alors, dans la paracha de la semaine, il y a une paracha assez intéressante. On sait que dans tous les parachiotes depuis Vaïkra, on sait très bien que la Torah elle appelle Vaïkra, Sefer Kohanim, le livre des Kohanim. Pourquoi ça s'appelle le livre des Kohanim? Parce qu'on trouve dans Sefer Vaïkra tous les lois concernant le Kohen, si c'est du temple, si c'est des sacrifices, des korbanot, les habits du Kohen, et tous les outils qu'on utilisait au Mishkan, etc. C'est pour ça que ce livre est appelé Sefer Shel Kohanim. Non, dans les parachas précédents, on parle beaucoup du Mishkan, la façon qu'il a été construit, on parle des habits du Kohen, etc. On arrive à cette paracha qui est la paracha Shemini. Paracha Shemini, pourquoi elle l'appelle Paracha Shemini? Parce que c'est le huitième jour, c'est le jour de l'inauguration du Mishkan. Le peuple juif est sorti, est-ce qu'on est tous familiers des mois hébraïques, plus ou moins? Alors je vais commencer. Rosh Chodesh Nissan, c'est le mois que le peuple juif est sorti d'Égypte. De la Géoula. Oui, de la Géoula. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte le 15 Nissan. Maintenant, la première mitzvah qu'on reçoit comme peuple juif, c'est de sanctifier les mois. Ça s'appelle Rosh Chodashim. C'est le premier jour de Nissan que Hachem demande au peuple juif, avant la sortie d'Égypte, 14 jours, 2 semaines avant la sortie d'Égypte, il demande au peuple juif de prendre un agneau, vous vous rappelez très bien, de l'attacher au lit et de le garder comme ça pendant 4 jours. Mais bien avant ça, Hachem nous donne comme premier mitzvah de sanctifier les mois de l'année. Et le premier mois de l'année qu'on trouve dans la Torah, on dit Rosh Chodesh, parce que d'ailleurs Nissan, Tevet, Shvat et Adar, tous les mois Tishré ne se trouvent pas dans la Torah. Ça a été adapté plus tard, au temps de Bavel. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de ça, mais dans la Torah, quand on trouve le premier mois, Chodesh Rishon, c'est Chodesh Nissan. Quand on compte les années, on va dire l'année 5774, on est bien aujourd'hui, mais on ne compte pas de mois de Nissan, c'est du mois de Tishré, c'est Rosh Hashanah, le premier jour de l'année. Mais les mois qu'on trouve dans la Torah, le premier mois, c'est Nissan, le deuxième mois, c'est Iyar, Sivan, Tammuz, Sivan, Iyar, etc. Alors, la première fois qu'on voit, qu'on doit sanctifier le mois de Chodesh Nissan. Un an plus tard, le peuple juif après qu'ils ont tout ramassé, tous les artisanats, etc., ils construisent le temple, l'inauguration du temple du Mishkan. Le temple qui se trouve dans le désert, qui est le premier jour de Nissan. Que selon notre calendrier, ça va être d'ici 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, ça va être le premier jour de Nissan. C'est-à-dire les Yetziat Mitzrayim, comme tu dis, c'est ça, non? Non, à deux semaines. Après, c'est Yetziat Mitzrayim. C'est Pessah. Hein? C'est Pessah, etc. Alors, en bref, le premier Nissan, c'est le jour de l'inauguration du Mishkan, un an plus tard de la sortie d'Égypte. Un an plus tard, exactement. Aaron, il fait l'inauguration. Maintenant, Aaron, il est demandé, ça c'est la première chose qu'on trouve dans la paracha, c'est le 8e jour. Pendant 7 jours, Moshe, il travaille dans le Mishkan. Oui, Moshe Rabbeinu, il n'était pas un Kohen d'ailleurs, on sait très bien, oui. Moshe Rabbeinu, faisait partie de la tribu du Lévi, et du tribu du Lévi, Aaron, son frère, est choisi comme le Kohen, qui devient pas un autre tribu, mais qui devient choisi du tribu de Lévi comme Kohen, etc. Moshe et tous ses enfants ne sont pas des Kohanim, ils ne deviennent jamais des Kohanim. Ouais. Les enfants de Aaron, par contre, deviennent des Kohanim. Ouais. Effectivement. C'est la création du monde, c'est quel jour? C'est Machloket. Selon la plupart des opinions, c'est. Il y a deux Machloket. Il y a une opinion qui dit c'est Nissan. Et il y a un qui dit qui ticherait. Rabbi Lazar et Chachamim. Création du monde ou de Adam? La même chose. Ah. Non. Ça dépend, hein, selon quelle opinion on va. Si on va selon l'opinion que c'est le premier Tishrei, la création de Adam, ça veut dire la création du monde et des 6 jours avant, qui est le 25e jour de Elul. Et si on va selon l'opinion que c'était le premier Nissan, alors 6 jours avant, hein, c'était Khafei Adar. Ça dépend de quelle opinion aussi. En tout cas, alors ça c'est la première chose qu'on trouve dans la paracha. Plus tard dans la paracha, on trouve aussi la mort des 2 enfants de Aaron. On a parlé de ça à Purim. Adav et Aviv. Et on trouve une autre chose très intéressante dans la paracha, les signes des animaux qui sont impurs. Oui, qu'est-ce qui rend un animal pur ou impur est dépendant de certains signes. Le premier signe, c'est Ma'ale Gera, chewing his cud, il rumine, c'est ça. Et il a les split hooves, les sabots qui sont séparés. Ça, c'est les 2 signes qu'on trouve chez l'animal. Bon, maintenant retournons au point, hein, quand mon cher Abel, on trouve quelque chose de très intéressant chez Rashi. Quand ça vient à Aaron de commencer le travail du Mishkan, mon cher Abel, il demande à. Il précipite Aaron de commencer le travail. Et il lui demande de faire vite, commence à travailler. Surprenant que. Pourquoi est-ce que Rashi, il a une très grande question ici. Rashi se demande, pourquoi est-ce que Moshe, il a besoin de précipiter Aaron à faire du travail? Tout ce temps, le Bnei Israël, ils sont en train de se préparer pour construire le Mishkan. Tout le monde est excité pour construire le Mishkan. Et Moshe Rabbeinu, il doit arriver à un point jusqu'à qu'il demande à Aaron, allez, vas-y mon frère, etc. Lamati Bosch. Mon cher Abano, il dit pourquoi as-tu honte? Pourquoi tu te précipites pas à commencer le travail? Et Rashi, il a une très très grande. Rashi, il a une très très grande question. Pourquoi est-ce que mon cher Abano, il a besoin de précipiter Aaron? Ça serait assez simple que Aaron de lui-même serait prêt à commencer à travailler. Anava. Hein? Anava. La Havanava. Alors, comme ça. Alors, le Midrash, il explique comme ça, que Aaron, en vérité, il a il a un petit peu de honte. Et il est effrayé, il a peur. De quoi il a peur? Quand on trouve dans la réponse de Moshe Rabbeinu pour l'encourager, qu'est-ce que Moshe lui dit? Lama tibosh. Pourquoi as-tu honte? Pourquoi as-tu peur? Tu as été élu pour ce travail. Tu as été désigné pour ce travail. Pourquoi as-tu honte? Précipite-toi et commence à travailler. Alors la première question qu'on se demande, de quoi est-ce que Aaron il avait honte? Pourquoi est-ce qu'Aaron il devrait avoir peur? Pourquoi il devrait avoir honte? Parce qu'il ne va pas faire le travail comme il faut. Ah. C'est la première fois. C'est la première. C'est difficile la première fois. C'est difficile la première fois. Mais Aaron a été entraîné pendant 7 jours. Ça ne fait rien. Il a très bien. Alors bonne réponse. Une seconde. Avant qu'on arrive à la réponse. Hein? Il y a aussi le problème de. Du cousin de Moshe Rabbeinu, il lui dit pourquoi Aaron a ce défaut. Ça c'est après. Oui, mais bon. Lui, Korach. Ah, vous parlez de Korach. Ah, Korach, oui, il vient bien après. Hein? Korach, c'est après. Après, c'est sa femme. Hein? Ah ouais. Comment? Korach, c'est sa femme qui a fait tout ça. C'est bon? Alors, ça, c'est la première question. On va arriver aux réponses. La première question, pourquoi est-ce que pourquoi Aaron est-ce qu'il a honte et pourquoi il a peur? Deuxièmement, comment est-ce que Moshe Rabbeinu le réconforte en lui disant tu as été élu pour ça? Comment est-ce qu'il le réconforte? S'il a peur, il a honte, quel genre de réconfortement? Moshe Rabbeinu lui dit viens, vas-y, tu as été élu, c'est tout. Tu t'as élu pour ça, mais ça ne me réconforte pas. Il aurait dû lui dire, n'aie pas peur, tu n'as pas, ne te crains pas. Fais comme ça, donne-lui un petit peu de... D'assurance, comment faire le travail. Mon cher Rabbeinu, pendant 7 jours, c'est lui le Kohen Gadol d'ailleurs. Oui. Le cher Rabbeinu, pendant les 7 jours, avant qu'ils aient inauguré le Mishkan, c'est lui-même qui travaille, il fait tous les travaux qui se trouvent dans le Mishkan, et il monte à Aaron comment le faire. Tu fais ça quand il y a le sang, tu fais ça, tu fais la shrita comme ça, tu fais la zèle comme ça, tu jettes le champ comme ça, et c'est le 8e jour que Aaron il doit travailler. Alors s'il lui dit qu'il a peur, il aurait dit, lui, non, tu fais ça, je serai à côté de toi. Comment est-ce qu'il le réconforte en lui disant tu as été élu pour ça? Oui, après, Moshe, lui, qu'est-ce qu'il lui a montré, Moshe? Mais Hachem lui a dit les halakhot. Oui. Moshe Rabbeinu lui-même, il a appris les halakhot quand il était à Sinaï. Pendant 40 jours, Hachem lui a dit tous les halakhot, comment le faire, etc. Une indirecte. Alors, si on prendrait un petit peu ce que M. Darwish il a dit, on peut comprendre peut-être quelqu'un qui a peur. Il craint qu'il ne va pas faire bien le travail, il a peur de... Il se trouve au Mishkan quand même, c'était la place où se trouvait la Shekhina. Alors il a un petit peu peur, on sait très bien quand on se trouve, on a tous des fois cette émotion quand on se trouve à Yom Kippour, on a un peu de crainte, etc. La Shekhina se trouve, etc. On a des émotions qui se passent. Alors c'est bien, avant on peut comprendre pourquoi il a peur, mais pourquoi est-ce qu'il a honte? De quoi? Ne pas être à la hauteur. Mais honte de quoi? Ok, de peur. C'est très bien. D'avoir peur, je comprends, mais d'avoir honte, de quoi est-ce que Aaron il a honte? Il ne se rappelle pas de la règle. Ah, très bien. Maintenant, le Ramban, alors le Ramban, il explique comme ça en se basant sur un Midrash. Le Ramban, il dit que tout ce temps-là, Aaron. On sait très bien que c'est bien après, c'est presque un an après le Hegel à Zahav, le péché du Vaudor. C'est un an après, environ presque un an, que Aaron, on sait très bien, vous savez très bien que Aaron a participé. De quelle façon est-ce que Aaron il a participé dans le Vaudor, le péché du Vaudor? Alors, la Torah nous enseigne que la façon qu'il a participé, c'est que en vérité, Aaron voulait acheter un peu de temps. Quand il a vu Vaïd Boshesh Aïch et Boshé Lavo, quand il a vu que Moshe Rabbeinu, il descend pas à la montagne, ils ont commencé, les Bnei Israël, à avoir un petit peu peur. Et ils ont décidé de faire un veau d'or. Maintenant, Aaron, en voyant tout ça, il savait très bien qu'est-ce qui est arrivé à qui? À Hur. Oui. Hur, c'était son neveu. Oui. c'était son neveu. Il s'est fait tuer. Pourquoi il s'est fait tuer? Parce qu'il s'est révolté contre toute la nation. Il leur a dit, il les a réprimandés. Il leur a donné une tochacha. Il leur a dit, vous pouvez pas faire ça, etc. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont tué. Alors, en voyant ça, Aaron, il a essayé d'employer et d'utiliser sa sagesse, un peu de chokma. Il a dit, pas de problème. On va ramasser tout. Il faut faire quelque chose de respectable. On va faire quelque chose en or. Alors Aaron, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à tout le monde de donner leur partie d'or, de participer, et d'amener tout l'or qu'ils ont sorti d'Égypte. Les bijoux de leur femme. Les bijoux de leur femme, etc., de tout. Et on va amener ça comme pour faire le veau d'or. Les femmes n'ont pas participé. Il a demandé les bijoux des femmes. Oui, il a demandé à tout le monde. Les femmes, ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas donné les bijoux. Non. Les femmes, c'était. C'était les vrais chassidim, c'est les femmes. Les vrais chassidim, c'est les femmes. La jim tzatkaniot. Alors, de toute façon, les femmes, ils sont très attachés à leurs bijoux. Alors. Ça c'est. Mais on va pas dire ça. Etc. Alors, Aaron, il essaie d'acheter un peu de temps, mais il n'arrive pas. Le peuple juif, en quelques heures, ils ont tout ramassé dans tout le genre. Ils avaient tellement une envie de retrouver quelque chose. Ils avaient pensé qu'ils avaient perdu Moshe Rabbeinu. Et ils voulaient le remplacer. Ouais. En sachant, peut-être, en pensant peut-être, c'était quoi la Avodah Zarah qui se trouvait aussi à Mitzrayim? C'était un des Avodah Zarah, c'était le veau. Le veau. C'était aussi l'agneau, etc. Oui, mais il servait de cet Avodah Zarah. Alors ils pensaient que leur seule connaissance de Dieu, c'était ce qu'ils ont vu en Égypte. Même qu'ils ont vu déjà des miracles, etc. Mais ils étaient toujours très attachés. On sait très bien, le Midrash dit que même qu'ils sont sortis d'Égypte, ils étaient toujours très attachés à l'Égypte. Ils ont passé presque 300 ans là-bas. Ils sont nés là-bas, etc. 210, c'est ça. Pendant deux siècles. Ils étaient très attachés. Alors, ils pensaient remplacer Moshe avec ce veau d'or. Et en essayant de sauver du temps, Aaron n'arrive pas à sauver du temps et il échoue. C'est très bien comme Moshe Rabbeinu, il est descendu, il a réprimandé Aaron. Et Aaron, pendant tout ce temps, il prend ça sur ses épaules. Maintenant, quand Aaron il vient au jour de l'inauguration du Mishkan, il se rappelle. Mais c'est quoi? C'est ça qu'il avait. Comment est-ce qu'il se rappelle du veau d'or? Le Midrash il dit, il se trouve dans le Mishkan. Et voilà. L'or. Et le Midrash il dit que dans le Mishkan, comment on dit en bon français, le tabernacle. Ouais. Oui. Le tabernacle. Oui. Le où on amenait les corbanotes. Dans chaque coin, il y avait comme des cornes qui sortaient. Et le Midrash il dit que quand Aaron il avait ça, il s'est rappelé des cornes du veau d'or. Des coins du Mishkan lui-même, de la façon que c'était fait. C'était comme une couronne. Vous savez, quand on fait du crown molding là-bas, c'était toute une couronne autour du Mishkan. Et dans les coins, il y avait comme des cornes. Et Aaron, il se trouve dans le Mishkan, prêt, et il se rappelle. Il a peur aussi de. Et il a peur. Il a peur s'il va s'envoler ou. C'est ça, et il a peur et il a honte. Il a honte. Il se rappelle de ce temps-là. Alors viens. Il n'a pas fait d'Avera. Hein? Il n'a fait aucune Avera. Mais à son niveau, c'était une Avera. Ça veut dire qu'il avait des. Vous savez, il avait des bonnes intentions. Mais c'est une Avera, il a cédé. Il n'a pas cédé. Il a savait qu'il fallait gagner une journée. Mais il a cédé, qu'on veut ou pas, mais il voulait lui. Par diplomatie, par tact, faire traîner le temps un peu. Rachid explique. Mais on sait très bien, regardez. Rachid explique. Regardez, on peut. Amenez vos bijoux de vos femmes. Et il s'est dit, les femmes ne veulent pas lâcher leurs bijoux, alors je vais gagner du temps. C'est ce que Rachid dit. Il a essayé de gagner du temps. Gagner du temps. Oui, mais les femmes, regardez les femmes par exemple pour le Mishkan et tout. Mais c'est très simple. Ils ont été demandés, ils ont demandé le bijou aux femmes, ils les ont donnés tout de suite. Non, pas pour le Hegel, pour l'autre chose, pour le Binyan. Pour le Binyan de Mishkan, ils l'ont donné. Pour le Hegel, ils l'ont pas donné. Les amis, je vais juste finir le point, une seconde. Ah oui. Vous avez une bonne raison. Chacun de vous a une raison dans un point. Les commentaires, évidemment, en parlent. Et à la fin de la journée, les différentes raisons qu'on donne, Akash Baruchou Medagdek Imat Sadikim Kechuta Seara. Même que, en vérité, pour quelqu'un de mon niveau, quelqu'un de notre niveau, ça serait considéré quelque chose de bien, mais quelqu'un au niveau de Aaron, on aurait pu éviter. Rachid le considère les cas 100%. 100%. Mais Aaron, pour lui-même, le prend très, très, très, très fort. Parce qu'il sait qu'à la fin de la journée, même s'il avait les bonnes intentions, du fait qu'ils ont suivi son plan, à la fin de la journée, les peuples d'Israël, ils ont suivi le plan de Moshe, de Aaron. Mais il y en a beaucoup qui se sont abstenus. Prends le chevet de Lévi. Ils sont abstenus. Oui. Alors maintenant, on comprend pourquoi, selon le Ramban explique pourquoi Aaron, il avait honte. C'est parce qu'il s'est rappelé du veau d'or. Il s'est rappelé de ce péché du veau d'or. Et il craint aussi que peut-être Hachem, parce qu'il sait que tout est sur les épaules du Kohen. Le Kohen Gadol encore plus. Le Kohen, c'était l'élu qui venait au Beth Amikdash, qui amenait les korbanot pour tout le peuple juif. Et il sait très bien, si son korban ne va pas être accepté, ça veut dire que tous les korbanot du peuple juif ne sont pas acceptés. Il a une très grande responsabilité. Alors il a honte et il a peur. C'est que pour ça on comprend maintenant la réponse de Moshe Rabbeinu, où Moshe Rabbeinu lui a dit: mon frère, l'amati bosh, pourquoi tu honte? Hachem, il t'a pardonné déjà. Du fait que Hachem l'a élu comme représentant du peuple juif, comme Kohen Gadol, ça démontre déjà que Hachem l'a pardonné. On s'est très bien. Hein? Au fond, est-ce que vraiment on se demande, maintenant je pose la question maintenant, oui. Est-ce qu'Aaron, il n'a pas été quand même puni? On va trouver d'autres commentaires qui disent que non, oui. Mais pour ses enfants qui ont été avalés et tout, est-ce que c'est pas une punition du père dont les enfants ont payé? C'est ce qu'on dit, c'est Rudra Valbanim. En vérité, c'est. Vous avez. Il y a une interprétation comme ça. Mais bon, c'est très, très. D'accord. Il y a un commentaire qui dit ça. C'est incroyable. Peut-être on va essayer d'en parler. La mort de Nadav et Abihu, elle est très, très compliquée. Ouais. Parce qu'on trouve. C'était des tzadikim la semaine dernière. Ah, une seconde. Ah non, c'est pas un tzadikim. Nadav et Abihu, c'est des tzadikim. Concernant la mort de Nadav et Abihu, on va essayer d'arriver. Parce que je ne sais pas si on pourra parler, parce que c'est très très compliqué. Il y a des contradictions d'une paracha à l'autre. Il y a une contradiction au temps de Matan Torah, une contradiction qui est ramenée plus tard dans Sefer Devarim et dans cette paracha. Il y a beaucoup de choses qui sont contradictoires. Et les raisons qui sont données pourquoi ils sont morts sont extrêmement compliquées. Une des raisons, c'est si c'est ça cette raison, alors pourquoi on a besoin des raisons qu'ils étaient sous, etc. C'est tout, c'était à cause de leur père. De la faute de leur père. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune cause pourquoi ils sont morts. Si on dit comme ce que M. Melisha a dit, s'il n'y avait aucune raison pourquoi ils sont morts, mais avant qu'on passe à ça, je vais juste finir le point. Alors Moshe Rabbeinu, il dit, l'âme tibosh, n'aie pas honte mon frère, tu as été déjà élu, du fait que Hachem t'a élu comme quand la personne est élue pour servir au Beth Amidah, ça veut dire qu'il t'a pardonné. Et on voit aussi que le premier korban, le premier sacrifice que Moshe et que Aaron il avait amené, c'était quoi? C'était un veau. Le premier korban, c'était un egel, un veau, que Aaron il ramène au Mishkan, pour démontrer que Hachem l'a pardonné pour son péché. C'est pour ça. C'est moi. Avec ce corban, il n'a pas été agréé tout de suite. Il n'a pas été transgéré. Oui, après le feu l'a consumé. C'est pour ça. C'était une des choses que pourquoi Aaron il avait peur, etc. Et c'est pour ça qu'à la suite, quand il a perdu ses enfants, on dit Vaïdom Aaron. Vaïdom Aaron. Vaïdom, il n'avait rien à dire. Il est resté figé, rien à dire. Alors, comment? Parce qu'il a pensé peut-être au Hegel, peut-être, on ne sait pas. Et ça peut être un commentaire. Je vais vous dire une très. Très, très j'étais en train de penser, les amis. Un genre de Corban. Comprends? Un Hegel. Non, mais. Parle. pas. Oui, mais c'était un korban quoi? Khata, korban. C'était le premier, korban pour l'inauguration du Mishkan. C'était pour le seul korban pour Aaron, pour son, pour le péché du Vaudor. Il n'avait pas de catégorie. Non, il n'avait pas de catégorie. Donc c'était un korban personnel. C'était un korban personnel jusque Aaron il l'amenait. Maintenant, quel statut il a ce korban, c'est une autre question. Mais moi je trouve que c'est une leçon extrêmement incroyable dans cette leçon. Ouais. Cette leçon, c'est que des fois une personne elle pense qu'il avait fait tellement de péchés. Aaron, on va voir. Aaron, tout ce temps-là, ça fait une année déjà qu'il est en train de penser. Il n'oublie pas, hein. Il n'oublie pas ce péché et il vit avec ce péché toujours. Même au moment que Hachem l'a déjà excusé. Pardonné. Il a pardonné. Tu es pardonné. Aaron, il persiste et il pense toujours que peut-être il a un doute que Hachem. Ça montre la nava, l'humilité, la simplicité de Aaron, même que c'était le. Regardez, Aaron, c'était la main droite de Moshe. C'est lui qui parlait à chaque fois que Moshe devait parler, c'est lui qui parlait, il a parlé, etc. Il a vu tous les miracles. Il y a certains miracles qui ont été faits par Aaron aussi. Avec tout ça, il a une humilité, peut-être que Hachem n'a toujours pas pardonné. La grande humilité de Aaron. Il y a quelque chose de plus profond que le Katav Sofer. Katav Sofer, c'était un grand sage qui habitait il y a peut-être 200, 300 ans. Et il dit comme ça. Je vais raconter une histoire. À travers cette histoire, on va essayer de comprendre le thème. C'est un thème extraordinaire. Une chose extraordinaire que ce que le Katav Sofer dit. Il y avait un shochet qui est venu chez le rabbin. Et il lui a dit, monsieur le rabbin, voilà mon couteau. Je ne veux plus être shochet. C'est une trop grande responsabilité. Je ne peux plus être un shochet. Et le rabbin lui dit, il le connaît, c'est le shochet de la communauté. Et lui dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Il lui dit, Ani asok ben mishar. Je vais rentrer dans le business, dans le monde des affaires. Et il lui dit, pourquoi tu penses que tu peux mieux faire dans. Qu'est-ce que tu connais des affaires, du business? Tu es un shochet. Tu sais de quoi a l'air à une vache, mais tu ne sais pas comment. Comment est-ce que tu vas gérer ton business? Tu ne sais pas travailler avec des chiffres, des numéros, etc. Et j'ai dit, écoute, je ne peux plus être un shochet. Je trouve que c'est une très grande responsabilité. Des fois, je ne dors pas la nuit. Peut-être que je n'ai pas bien fait la shrita. J'ai toujours des doutes. Chas v'shalom, je donne du tréfa, chas v'shalom, aux juifs de manger. Je ne peux plus, vivre avec ces sentiments. Je suis obligé d'arrêter. Même que je connais tous les alarotes, etc., mais je ne veux plus savoir. Alors le rabbin lui dit, comment est-ce que tu vas faire? Il lui dit, est-ce que tu connais tout le Shulchan Aruch Choshen Mishpat? Le Choshen Mishpat, c'est une partie du Shulchan Aruch, qui est sûrement la partie la plus compliquée dans le Shulchan Aruch. On sait très bien qu'il y a quatre parties dans le Shulchan Aruch. Qui ont affaire avec tous les lois de business, de vol et de. Etc. Comment gérer ses affaires, etc. Des choses. Alors il lui dit, non, j'ai jamais appris le Choshen Mishpat. Alors il lui a dit, que tu sais que sans savoir les halakhot de Choshen Mishpat, tu peux, Chas v'shalom, voler sans savoir. Bien sûr. Sans savoir, parce que puisque tu ne sais pas, au moins les halakhot de Shrita, tu les connais. Alors si tu connais les halakhot de Shrita, tu vas les pratiquer. Et du fait même que tu as un doute, peut-être, je n'ai pas bien fait la Shrita, peut-être, c'est pour cela que tu devrais rester un shochet. Parce qu'une personne qui vit avec une conscience, qui pense que peut-être je n'ai pas bien fait, je n'ai pas. C'est pour cela. Ça te fait un shochet le plus valable qu'il y a comme exemple, parce qu'il a une conscience. Exactement. Une personne qui vit sans conscience à une journée, ça doit être très très grave. Alors c'est ça, le Ktav Sofer, il dit, c'est exactement l'idée qui se trouve ici. Comme mon cher Abenou, il est venu chez Aaron et lui dit, Lama tibosh, pourquoi as-tu honte? Oui, c'est ça la question. Lui, il dit comme ça, que du fait que tu regrettes, que tu as une conscience. Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, du fait que tu as une conscience, pourquoi tu penses que j'ai péché, et tout ce temps-là, tu penses à, au péché du Hegel. C'est exactement pour cette raison que tu as été élu. Parce que tu as une conscience. Parce que tout ce temps-là, Aaron, pendant un an, il pense à sa tchouva. Est-ce que Hachem a accepté ma tchouva? Est-ce que Hachem n'a pas accepté ma tchouva? Est-ce que je veux servir le peuple juif comme je devrais le servir ou pas? Et à cause de cette conscience, mon cher Rabbeinu lui dit, l'amati bosh n'est plus honte. C'est exactement pour cela que Hachem t'a choisi. C'est exactement à cause de ta conscience. On sait très bien que les Chachamim, quand ils se dansaient dans le Simchat Bet HaShoeva, à Simchat Torah, alors on disait pendant les 7 jours de Sukkot, ils chantaient Ashrei mi shelo chata. Une personne, Ashrei, celui qui n'a pas péché. Et celui qui a péché, il fera tchouva. Vim chalo. Mais la personne, Aaron, il vivait tout ce temps avec son passé. Vous savez, il y a un grand sage non juif, un philosophe. La Gemara, elle dit Im morim lecha yesh chokhma bagoyim ta'amin. Yesh Torah bagoyim al ta'amin. La Gemara, elle dit si on vous dirait qu'il y a de l'intelligence chez les non juifs, croyez-le. Si on vous dirait qu'il y a la Torah chez les non juifs, n'y croyez pas. Mais l'intelligence, on peut apprendre. Et il y a un philosophe qui disait celui qui ne vit pas avec le passé risque de le répéter. Parce que le passé, on ne le vit pas dans le passé, mais on vit avec le passé. Ça veut dire qu'on se rappelle. On se rappelle, Aaron vit avec cette conscience de la tchouva, on se souvient. Je me souviens. C'est ça, les Québécois, ils vivent très bien avec le passé. Non, les Québécois, ils vivent dans le passé, c'est pas avec le passé, parce qu'ils sont encore dedans, là. Ils essayent de rester de... On a failli l'avoir. On a failli. Alors, le Ktav Sofer, il dit, c'est une condition humaine qu'une personne fait des erreurs. Mais les gens saints, les tzadikim, ils savent remonter et surmonter le passé, parce qu'ils savent apprendre de leur passé. Puisqu'ils savent apprendre de leur passé, ils vivent avec leur passé et ils apprennent de leur erreur. Ils ont l'opportunité et la force de surmonter les épreuves, parce que c'était quelque chose qu'ils ont vécu et ils ont vu. Alors mon cher Abba lui dit, exactement à cause de cette conscience, tu as été choisi par Hachem. Parce que tu as cette conscience et parce que tu as un grand niveau de tzaddik, c'est pour cela que tu as été choisi par Hachem. Ça, c'est les deux interprétations. Une question avant que je passe à un autre sujet. Magnifique. Il y a un autre sujet qu'on avait rapporté. Bon, on avait parlé de Nadav et Avihu. Très simplement, je veux juste dire, pour bien comprendre, on avait parlé de ça pour Purim. Pour expliquer une Gemara, on a utilisé le thème de Or Chaim HaKadosh. La Dav et Avihu, la Gemara, elle dit, Rashi, il rapporte qu'il y a deux raisons pourquoi ils étaient tués. Alors, la première chose, c'est que ils étaient intoxiqués. La deuxième raison, Rashi rapporte, c'est le Midrash, qui est Rabbi Eliezer, et il dit que Morim Alakha Lifne Rabbam. Ils ont dû une halakha devant leur Rav, ce qui était Moshe Rabbeinu. Ça veut dire qu'ils ont pris les choses entre leurs mains, etc. Et mais, hein? Pas d'autres qui disent qu'ils sont tellement sains, ils sont montés. C'est ça, c'est le Rav. Alors, à part qu'il y a extrêmement de choses, du fait qu'ils étaient intoxiqués, on peut pas dire que non, c'était pas vraiment, parce que la paracha d'après nous enseigne que le Kohen n'a pas le droit de rentrer intoxiqué dans le Mishkan. Oui. Pourquoi de ce qu'on apprend? On apprend de Nadav et Avihu. Alors c'est sûr, c'est certain. Du fait qu'ils étaient morés à l'acha, du fait qu'ils ont dû une halakha devant le rabbin, hein, est-ce que ça explique qu'ils devaient être tués à cause de ça? Peut-être, oui. Il faut l'expliquer. Peut-être. Peut-être. Peut-être, oui. C'est un petit peu fort. C'est vrai, c'est trop poussé. C'est un peu poussé. Elia Cohen avec Shmuel aussi, Chazak. Elia Azer aussi. Qui est... Elia Cohen, Chazak. Mais je veux juste, avant qu'on passe à ça, est-ce qu'on a trouvé. Est-ce qu'il y a un péché que la Torah d'habitude, elle ne punit jamais d'une personne un coup comme ça, effectivement. Il y a un temps, entre peut-être de donner l'opportunité à la personne de faire tchouva, quelque chose. On trouve pas que la Torah elle punit. On trouve pas beaucoup de situations comme ça dans la Torah qu'une personne est punie instantanément du moment qu'ils ont fait un péché. Ça y est, c'est fini. Alors de vraiment comprendre pourquoi c'est ça la raison, il faut vraiment le comprendre. Mais l'Or HaChaim HaKadosh, il dit comme ça. En vérité, ils ont bu. Mais on sait très bien, comme on l'avait expliqué à Purim, que le Shla, il explique qu'une personne, les grands tzadikim, ils buvaient du vin, ou ils faisaient un lechaim qui puisse... Yachnas Yain Yatsasot. Ça veut dire qu'une personne, on sait très bien que quand il boit, alors il est besimcha. Il est dans la joie. Oui, il est dans la joie. Alors le Shla HaKadosh, qui est Rabbi Ishaya Horowitz, qui était un très grand Mekoubal, qui a écrit le Shnei Luchot Abrit. Et il rapporte là-bas qu'il y avait toujours des Chachamim qui s'assoyaient et qu'ils avouaient. Et la preuve qu'on voit que dans les Nevi'im, les prophètes, avant qu'ils recevaient une prophétie, ils s'assoyaient et ils jouaient avec le oud, ils jouaient avec la guitare, etc. Il y avait de la musique toujours autour d'eux. De qui on le voit Shaul. Avec Shaul. Shaul, parce qu'il était, mélancolique toujours. Il y avait David Ameller qui jouait l'harpe toujours. Oui. Mais on le voit aussi. Je crois que c'était Shaul qui était venu voir un prophète. Oui. Et qui était en deuil. Il a dit amène-moi à manger des musiciens. Oui, 100%. Alors Rambam, il rapporte dans les lois de prophétie que chaque prophète, le Rambam le rapporte tout de suite. La prophétie ne se dévoile pas à une personne qui est en tristesse. Jamais. Un prophète qui est triste, ne se dévoile pas. Jamais. La prophétie de tous les prophètes, le Rambam, il dit que c'était toujours dans un rêve, dans une image, etc., une parabole. Hein? Quand on fait le mizmor de Shabbat, et Dieu d'Hachem Bessimcha, 100%. Chaque lèvre se lève sans Bessimcha, tout le temps. Toujours. Toujours. C'est pour ça, Bichlal la Chassidut. Bichlal la Chassidut, elle rapporte. 100%. C'est la clé. Après la face. Alors, on parle ici. Lui, la clé. Les chandordis, à la fin. Ouais. Non, mais c'est alors, vous avez un truc, hein. Mais non, vous allez obtenir ce que vous voulez. Avec la joie, vous obtenez ce que vous voulez. Mais avec vos femmes. Non, mais c'est quoi la définition de Simcha? Alors, c'est quoi la définition de Simcha? La définition de Simcha, on regarde plus tard dans Alachot du Rambam, dans le même livre. La Simcha, par définition, le Rambam lui dit, c'est Simcha shel mitzvah. La vraie Simcha, c'est une Simcha de mitzvah. Le Arizal, il avait dit que tous les degrés de Kdusha qu'il a atteint, c'était juste à la travers de la Simcha de mitzvah. De mitzvah. Pas des simcha de bon, mais la simcha c'est un outil pour s'éveiller, simcha pour être geder, etc. Mais parce que la simcha c'est une sorte de emuna. Bien sûr, quelqu'un qui a un problème et qui est là dans ses problèmes en train de se plaindre, en train de penser qu'est-ce qui va m'arriver, c'est un manque de emuna à ce moment-là. Voilà, mais alors il te dit tu transformes ça en simcha, en doigt. Là, c'est une émoula que tu exprimes en même temps. Ça, c'est une expression d'émouna. Alors, maintenant que vous me rappelez, ça, c'est une expression de émouna. Mais la simcha, c'est encore beaucoup plus fort que ça. La simcha, c'est que... Bien sûr. Non, du fait que Ivdou Hashem b'Simcha, bon les vala birnana, il y a des tachat asher lo avad et ta'et Hashem elokecha b'Simcha b'teu lavav. Si tu serviras ton Éternel dans la joie, tu seras chas de shalom même puni. Mais je vois continuer une histoire de Rabbi Nachman. Maintenant, ça m'a rappelé une histoire. La simcha, c'est beaucoup plus que quelque chose de... Bon, c'est sûr que c'est une expression de emouna, parce que quand une personne, chas v'shalom, elle reçoit des issourim, chas v'shalom, qu'elle reçoit des punitions, etc. Alors elle reste tombée simcha, alors ça démontre sa emouna à Hachem. Ok, ça c'est... Mais si une personne n'a pas de issourim, Si une personne n'a pas de souffrance, alors il n'a pas le droit d'être en simcha ou quoi? Oui. Bien sûr. Oui. Alors comment est-ce que cette simcha est exprimée tous les jours? Alors, dans la prière. Dans la prière, dans les Torah, dans les mitzvot, etc. Ben Adam la Havero. Ben Adam la Havero. Ben oui. À son prochain. Ben oui. Alors, Rabbi Nachman, il y avait 13 histoires que une personne, des fois, il disait que il y sortait avec un petit bateau. J'ai raconté cette histoire peut-être une ou deux fois. C'est une histoire assez, assez intéressante. Rabbi Nachman partait avec un petit bateau et il montait tout seul sur ce petit canot. Pas un bateau, mais un petit canot. Une petite barre. Une petite barre. Et il montait sur ce petit canot. Et il savait, lui, il ne savait pas ramer, il ne savait rien. Et il ne savait surtout pas comment arrêter. Ouais. Il ne savait surtout pas comment arrêter. Ramer, plus ou moins, mais s'arrêter et stationner le petit canot, là, c'était quelque chose de... difficile. Alors, mais il sortait quand même tout seul. Et il disait, c'est une histoire un petit peu rigolo, c'est intéressant. Mais pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Alors son gaba, il lui a demandé pourquoi est-ce que, à chaque fois qu'il arrivait, juste avant de s'arrêter où qu'il devait stationner, il criait à Hachem. Que Hachem l'aide dans la situation qu'il se trouve. Alors son gaba, il lui a demandé pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est à chaque fois que tu vas en bateau tout seul, on sait que tu ne sais pas ramer, tu ne sais pas t'arrêter. Ça, c'est bon. Alors il a dit. Il a dit, la vie, des fois, elle est pleine de surprises. Il y a certaines choses qu'une personne ne sait pas faire. Et il dit, des fois, une personne doit se rappeler que c'est Hachem qui le guide. C'est Hachem qui le met dans les situations qui se trouvent. Alors lui, il sortait dans le bateau pour se rappeler que c'est juste Hachem qui peut l'aider, qui peut l'arrêter. Alors, Ouzala, il sortait tout seul, il ne pouvait pas arrêter, il se mettait dans une situation de sakana. C'était pas une sakana, c'était un petit bateau de rien. C'était pas vraiment une sakana, mais ça a éveillé en lui. C'est ça, c'est un réveil. Ça a éveillé en lui de toujours. La seule joie peut venir juste de Hachem. Parce que des fois, une personne, on oublie que c'est Hachem qui nous guide, c'est ça. Mais la simcha elle-même, c'était quelque chose de très, très, très important dans la avodat Hachem. C'est très bien que la Torah ait dit « Tachad asher lo avadat asher lo kecha ve simcha ou betuv levav ve avadat et oivecha » Puisque tu n'as pas servi Hachem avec joie, etc., tu serviras ton ennemi, chad shalom. C'est ça que la Torah... Alors, on voit que la simcha, c'est quelque chose qui est très important dans la avodat Hashem. C'est quoi la simcha? Simcha de mitzvah. C'est quoi la simcha de mitzvah? On peut élaborer, mais dans un autre shiur. C'est tout un shiur pour ça. Mais revenons maintenant à Orach Haim. Alors, le Rambam, il dit que la prophétie se dévoile juste à un temps que le prophète devait être en simcha. Maintenant, Nadav et Avihu, leur intention c'était de s'élever à un niveau très très haut de la Gdusha. Pour s'élever à ce très haut de niveau de Gdusha, ils ont bu. Nichnas Yain Yassasod. Ils ont bu du vin pour s'élever à un niveau très très haut de Gdusha. Alors, leurs intentions, elles étaient bonnes. Ouais. Mais est-ce que c'est le but? Le but de ce monde, c'est ne pas juste de s'élever à la Gdusha. Pourquoi est-ce que c'est le but? Parce qu'Hachem a créé un monde. Si Hachem voulait qu'on reste dans un bête midrash, et on s'assoit toute la journée, on étudie, on n'interagit pas avec le monde. On ne sort pas dans le monde, on ne travaille pas. Eh ben, Hachem, il aurait pu arrêter avec le monde des anges. Il n'a pas besoin de nous. Il n'y a pas de mitzvot. Il n'y a pas de mitzvot. Hachem a créé un monde. Nitave akash bokhu liot lo dira batartonim. Hachem a créé un monde ici, physique, qu'on prend une vache et on le rend à une paire de tefilines. On prend de la laine, on fait une tzitzit. On prend de la peau et on écrit un sefer Torah. On prend le monde physique, on le transforme à la Kedusha. Le but du monde, c'est ne pas rester enfermé dans un kollel pendant 70 ans et d'oublier ce qui se passe dehors dans le monde, c'est spécifiquement de sortir dans le monde et et interacter avec le monde, de rendre le monde physique un monde de Dieu, révéler le, tout le but d'Abraham. Abraham, il avait vu que les gens ne servaient pas Dieu. Abraham est parti partout dans le monde. Va ikra b'shem Hashem. Al Tagid, la Gemara dit pas va ikra. C'est pas juste lui qui a crié le nom de Dieu. Il a causé les autres gens à crier au nom de Dieu. Et c'était ça le but. Pour eux, Adam et Aviou, du fait qu'ils voulaient juste s'élever, peut-être c'était une bonne intention, mais c'est pas le but. C'est oui, pas le but que Hachem. Oui. Nadav a vu, oui, été public pour quelque chose, ça n'a jamais été écrit auparavant. Il ne fallait pas boire pour rendre un visage dans le tabernacle. Donc, ils ont été punis sur une loi qui a été annoncée plus tard après leur mort. Mais avant, on n'a jamais entendu que c'était un assaut. Donc, comment? Ils ont été tués pour quelque chose que peut-être qu'ils ne savaient pas que c'était interdit. Mais on ne sait pas qu'ils ne savaient pas. Même si ça vient plus tard, ce n'est pas toujours des cèdres dans la Torah. Oui, mais on a su qu'après qu'il ne fallait pas rentrer. C'est marqué dans la Torah après. Est-ce qu'ils n'ont pas peut-être su avant? Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas toujours des cèdres, ça ne se passe pas toujours. Il est illogique de penser qu'ils le savaient et ils l'ont fait. 100%. Ben après, maintenant vous me demandez sur le pshat là, parce que selon l'interprétation de Or Chaim, on n'a pas de question. Votre question, il n'y a pas de question. C'est des tzadikim. Ah, hasard. Maintenant. Ben oui, allez-y. Donc finalement, si c'est des tzadikim, c'est que vous ne savez pas. Alors vous demandez maintenant sur le pshat. Parce que sur le Or Chaim, il n'y a pas de question. Non, mais sur le Or Chaim qui dit que c'est des tzadikim, oui, ça veut dire qu'il ne le savait pas. Qu'il fallait boire. Qu'il ne fallait pas boire. Alors, sur le. Je comprends ce que vous voulez dire. Non, on est sûr qu'ils ont vu. Le Or Chaim aussi, il est certain, même selon le Or Chaim, qu'ils ont vu. Selon le Or Chaim, ils ont bu pour s'élever à ce niveau. Combien ils ont bu pour rappeler qu'ils ont bu? Ils ont bu. Pour ceux qu'ils avaient besoin, je ne sais pas, je n'étais pas là-bas, je ne suis pas sûr combien ils ont bu. Une bouteille de. Je ne sais pas. Quand ils ont bu, ils ont bu. Ils sont là, ils les ont bu. Il y a aussi une chose peut-être. Comme ils ont bu. Oui. Comme ils ont bu, voilà qu'on a dit la première fois, vous avez dit qu'on voit, ils ont récité une halakha. C'est sûr qu'ils ne savaient pas. Bien. En récitant la halakha, ils ont humilié leur oncle, mon cher Rabbeinu. Oui. Il y a une humiliation ici, à côté, pour mon cher Rabbeinu. Comme s'il voulait apprendre à leur oncle, qui est le maître. C'est ça, ben ça c'est une des explications. J'ai une réponse pour vous. Voilà. Mais et encore, je veux juste insister que selon le Or Chaim, votre question elle est pas valable. Non, ils ont bu, ça veut dire que non. D'après le pshat, c'est très La logique c'est qu'ils auraient jamais ils auraient jamais dû boire. Ouais. On rentre pas dans. Même avant même avant l'interdiction. Jamais boire avant de rentrer au Mishkan. Regardez. Non, je vais vous demander une question. Regardez. Une seconde. La logique est Orachaïm dit qu'ils ont bu. On est d'accord, ils ont bu. Une seconde. Je vais juste vous demander une question comme ça. Aujourd'hui, on sait très bien que c'est une halakha, c'est une loi de ne pas boire, de rentrer au Beit Hamikdash, etc. Dans ce temps-là, c'était pas encore. On ne le savait pas encore. C'était pas une loi encore. Est-ce que toutes les lois qui ne sont pas écrits dans la Torah, ils sont permises? Toutes les choses qui ne sont pas écrites dans la Torah, c'est permises? Non. Il y a des certaines choses qui sont immorales, illogiques, qu'on n'a même pas besoin de la Torah pour nous le dire. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple peut-être un petit peu bizarre, mais je vais vous le donner quand même. Molesting. Comment on dit molesting? Molester. C'est pas écrit dans la Torah. Il n'y a aucune interdiction dans la Torah que c'est écrit de molester. Non, je vous dire. Moi, laisser, c'est frapper. Frapper. Non, non. De toucher des petits sexuel, enfants. Sexuellement. C'est pas écrit. Des pédophiles. Oui, c'est pas écrit. Oui. C'est pas écrit dans la Torah, non. Chas v'shalom. Ne comprenez pas que c'est permis. Mais oui, bien sûr. Un pédophile, si tu veux. Un pédophile. Hein. Est-ce qu'on est tous d'accord que c'est affreux, c'est immoral, c'est la société, c'est répugnant, c'est dégueulasse, et tous les mauvais mots que vous pouvez inventer, mais la Torah ne m'en parle pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tellement logique, elle n'a rien pour en parler. Oui, mais moi, il parle de tuer. La Torah, il parle de tuer. À partir de 13 ans, oui. Ça ne fait plus de molester. Oui, très bien. Se marier à 13 ans. Non, ok, très bien. Ok, très bien. Ok, très bien. C'est à l'âge de 13 ans. Elle avait quel âge? 3 ans, comment il sera que. Mais il n'était pas avec elle jusqu'à qu'elle pouvait. Jusqu'à 13 ans. C'est ça. Ok, très bien. Et on ne doit même pas, à l'âge de 13 ans. Hein, aujourd'hui. Oui, mais non, je ne parle pas de molester selon les lois aujourd'hui. Mais là, si vous permettez, pour revenir un petit peu à notre discussion, quand on dit aussi qu'on veut boire pour être Bessimcha, parce qu'il y a boire et boire. Il y a le degré de boire, oui. Et on est besimha, mais il y a le degré oui, de boire. Bien sûr. Et là, c'est là que le pasuk qui vient, il dit. C'est là que le pasuk qui dit, je m'excuse, qui dit le pasuk qui vient, il dit, mais il y a sa sod. Parce que qu'est-ce que c'est le sod? Le sod, ça ne veut pas dire, c'est pas la simha. Parce qu'il y a un degré, quand on boit, on est besimha, on est de bonne humeur. Mais si tu exagères dans la boisson, là il y a de sa chose. Là il peut y avoir un problème. Ce que je voulais dire, là il peut y avoir un problème. Ce que je voulais dire, monsieur Atias, ce que je voulais dire, c'était un exemple. Il y a plusieurs exemples comme ça dans la Torah. Il y a plus. Finalement, ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines lois qui sont naturellement logiques. Naturellement, qui sont pas inscrits dans la Torah. Pourquoi c'est même ne pas tuer comme Ouzman il a dit, ne pas tuer aussi c'est quelque chose de illogique. Mais il y a une raison pourquoi la Torah l'a écrit. Rapido, oui. Une ou deux parachutes pour expliquer chaque petit détail du Mishkan, le bois recouvert, preuve recouverte d'argent, etc. Un truc comme ça, ils vont pas le. Ça, c'est l'exagération. Non, mais. Très bien, mais pour construire le Mishkan, on a besoin des détails pour construire le Mishkan. Hein? Très bien, mais vous. Non, une seconde, excusez-moi, les amis. Mais vous répondez vous-même à la question. Vous êtes en train de répondre à la question. Une seconde. Mais vous répondez à votre question vous-même. Parce que toutes ces choses-là, ils ne sont pas logiques. On n'aurait pas pu les savoir si on ne l'aurait pas dit. Ces choses-là que vous venez de dire, le pain, pourquoi Hachem il a besoin que ça soit le Mishkan 32, tous les détails, on n'aurait pas pu le savoir si on ne l'aurait pas dit. Bien sûr. Mais ne pas boire du vin et rentrer intoxiqué dans le Beit HaMikdash, ça on aurait pu le savoir sans qu'on nous le dise. Mais comment tu vas te présenter? Quand ça vient en mitzvot, la personne. Est-ce qu'on peut se présenter devant un ministre? Oui, mais c'est. Avec un ministre. Oui, un ministre, tu peux trouver sourd devant un ministre? Devant. Alors imagine-toi le roi des rois, tu vas trouver avec lui. Quoi, tu vas trouver sourd devant lui? Moi j'ai trouvé, j'ai entendu. Alors vous avez. Bon, allez. Moi j'ai entendu que. Allez, je vais juste finir le point et je vous laisse parler. Alors vous comprenez ce que je veux dire. Il y a certaines lois que les lois du Mishkan et tous les détails, on n'aurait pas pu les savoir parce que de toute façon c'est des choukim. Il n'y a pas de logique dans tout ça. Mais ne pas rentrer. Concernant les mitzvot, une personne doit être concentrée quand il fait une mitzvah. D'être impliqué dans la mitzvah qu'il fait sans aucune autre force qui l'influence. L'alcool, elle influence la personne. Alors, la personne, quand elle vient faire une mitzvah, elle doit être concentrée dans qu'est-ce qu'elle fait. Alors, c'était une chose logique que, certainement pas un Kohen qui rentre dans le Mishkan, rentre intoxiqué. Alors, ils auraient. Et certainement des personnes comme Adam Aviou, il aurait dû le savoir. Bien sûr. Et puisqu'ils n'ont pas fait, c'est un péché. Ça, c'est le pshat. Mais encore, pour le Orachaim, il n'y a pas vraiment une question, parce que le Orachaim, il a dit que l'intoxication, leur intoxication les, est venue leur servir à la Avodat Hashem, et pas leur nuire. Les nuire à la Avodat Hashem. Excusez-moi. Oui, moi, j'ai entendu d'autres explications. Moi, j'ai entendu qu'ils étaient tellement attachés à Dieu. Oui. Qu'ils ont fait exprès parce qu'ils ne voulaient plus rester dans ce monde. Exactement, donc c'est ils ça. Ils ont fait exprès Chazak. Pour monter, être avec Dieu. Exactement, c'est ça, c'est ça qu'est-ce qu'on est en train de dire. Selon le Or HaChaim, c'est exactement. Hein? Eux, ils ne voulaient pas rester dans leur corps physique, ils voulaient c'est tellement. Le, la chambre que le Or HaChaim, il dit Bekout, Metikout, ils avaient tellement. La Gdusha, ils voulaient tellement se rattacher à la Dikou de la Gdusha qu'ils ne voulaient pas rester dans ce monde et ils voulaient rattacher à Hachem. Et à leur niveau, c'était considéré un péché. Un suicide. Et à leur niveau, c'était considéré un péché. Peut-être une personne comme nous, de se rattacher comme ça à Hachem, ça serait une très grande mitzvah. Et pour eux, ils auraient dû savoir. Vous savez, ils racontent une histoire avec le Baal HaTanya quand il a étudié avec le fils du Maggid. Alors quand ils étudiaient beaucoup de Mezrit, quand ils étudiaient beaucoup de Kabbalah, hein, à un moment, le Baal HaTanya, il avait vu le fils du Maggid qui s'appelait Rabbi Avraham Amalach, on l'appelait, c'était comme un ange. Alors il avait vu que presque ça, il était tellement dans une extase que sa neshama allait sortir de son corps. Et juste avant qu'il ait eu peur, il a pris un bout de gâteau et il lui a mis dans la bouche. Pour le faire venir dans ce monde. Parce qu'il partait. Parce qu'il allait partir. Et il lui a dit, il demandait à Tania, comment est-ce que tu as pu, à ce temps-là, tellement, tellement fort, tu aurais pu rester dans ce monde? Il lui a dit, parce que c'est le but. Le but de ce monde, c'est qu'on reste dans ce monde, pas qu'on on dit, on flyer, on va pas flyer. Ça, c'est pour les anges. Hachem nous a mis dans ce monde pour faire des Torah et Mitzvot. Je vais finir juste avec un dernier point. Excusez-moi, c'est déjà 9h05. Les signes de l'impurité et de pureté qui se trouvent dans les animaux. Alors, on sait que très bien, c'est de ruminer, c'est ça, ça. Ruminer. Ruminer, c'est ça. Excusez mon français. Et avoir les sabots fondus. Les sabots fondus. Fondus. C'est séparé. C'est ça. Très bien. Qu'est-ce que ça représente? Elle dit très simplement. Pourquoi est-ce que la Torah nous a commandé de ne pas manger ces animaux-là? Les animaux qui n'ont pas ces signes. Pourquoi là, c'est une interdiction? C'est très bien que c'est un choc, ça aussi. Oui, c'est les lois qui sont ils ont illogiques, etc. Il très mal. Alors, il dit que, parce que la plupart des animaux, les animaux, beaucoup des animaux qui n'ont pas ces signes, c'est des animaux qui sont sauvages. Ils sont plus sauvages. Et parce qu'ils n'ont pas. Puisqu'on sait que quand une personne, elle consomme ce qu'elle mange, ça vient partie de sa chair, ça vient partie de son sang. Alors pour que la personne n'ait pas les caractéristiques. De sauvage. C'est ça. C'est ça, de ce qu'elle mange, parce qu'on sait très bien ce que la personne. Tell me what you eat, I'll tell you who you are. Hein? Les prédateurs, etc. Pour que le juif n'ait pas assez. C'est caractéristique. Alors la Torah nous a interdit ça. Ça veut dire que une personne, elle aussi, elle a, ça s'appelle Nefesh HaBahamit. Oui, sa partie du corps, la partie animale de la personne elle-même. Et qu'est-ce que ça représente, les choses de. Les sabots fondus. Elle dit comme ça. L'animal elle-même. Même quand elle est posée sur. D'ailleurs, si vous remarquez que l'animal, la tête, le cœur et le foie sont tous au même niveau. Mmh. Oui, parce qu'elle est sur quatre. Pas sur quatre pattes. Tandis que l'homme, il a la tête, le cœur et le foie. Oui. Qui, en vérité, si on prend les lettres, c'est même. Moach, lèvre, kaved. C'est quoi? Melech. Melech, un roi. Ça veut dire qu'une personne doit se conduire.